de toi. Mais au fond de moi, j'ai peur de vivre un jour sans toi. Sans toi, quand le jour se meurt, je me perds dans la nuit. Quand tu n'es pas là, j'ai peur. Il ne reste alors qu'un seul espoir. C'est un monde de couleurs qui renaît chaque jour.